Det vurder. Guten Abend, Mr. Martin. Hey, Sauerkraut. Pourvu toi. Croissant, you have to put two S. Salut, c'est Mademoiselle chante le blues. Non, elle chante pas le blues parce que là, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont bouffé du lion, ils sont enragés. Salut, c'est merci. Pas le blues. Un truc psychédélique. Mais vous allez pas bien là. Hein, vous avez vraiment bouffé du lion. Je t'appellerai un jour, mais voilà, je fais tellement de choses que le temps il passe tellement vite et que j'ai jamais le temps. Bah oui, absolument. C'est dans ma to-do list. Je te promets un jour que je t'appelle. Grise. Alors, ici Grise, nous avons un petit problème avec Sabine. Ce matin, déchaînée avant cet appareil aussi. Car moi, on va ranger des mots. Complètement excité, ça doit être la chaleur qui touche la Belgique. Mais non, t'es redescendu. Thank you. Bravo la loulou. Et tu fumais un pétard. Pourquoi tu le dis pas? Sans les dents, trois fers. Pas changer de casque, c'est toujours le même. J'ai vu qu'il y a une association qui font des réparations en tout genre, mais je les suis un peu trop tard et du coup c'est fermé pour l'été. Et de tout faire réparer. Ça coûte déjà suffisamment cher. Ben parce que, comme là, tu vois, un coup je suis en mono, un coup je suis en rien du tout, un coup ça je sais pas, c'est soit un fil qui est déconnecté, mais je pense que c'est soudé, donc je sais pas faire et j'ai pas de quoi. J'ai pas d'appareil. Ouais, je pense. Yes! I will come to meet you. No, I need a professional German. Ich brauche professional Deutsch. À la danse en une boat. À la danse. Voilà, je sais pas, toi, il s'est remis, mais c'est un coup à droite, un coup à gauche. C'est pénible. Putain, mais ils sont malades, ces Anglais. Tu as jam tabac aussi? Vous avez jam tabac? Oh man. Bah non, mais tu vas nous le dire. Ciao, Fadi, come stai? Ha! Ha! C'était pour rire? Ça va bécho, ça. Ouais. Si et Martin. Moi j'ai installé un truc, hein, mais je sais pas comment ça va. Merci beaucoup, Karma. Léon. It's called Léon. Quel âge, au fait ? Ouais. Que le pire au départ, c'est un peu comme toi quand tu joues, tu sais pas jouer, tu sais n'importe quoi, que ça fait des sons. Et que donc au début, quand il y a plein de fausses notes, et puis après, quand ça rentre, ah, mais c'est clair, faut jamais forcer un gamin. Ah, la preuve, regarde aujourd'hui, on a tellement forcé, je fais plus rien. Konnichiwa! Mais c'est pas que pour les enfants, hein. C'est valable pour les adultes aussi. Faut jamais forcer. Thank you. Comme ça. Putain, t'as vu comment ils écrivent, c'est le bordel. Hein. Bien immense. Bon, I need to learn German, I need to learn Japanese. Ah ouais? C'est cool. Ça traduit ce que j'ai dit. Le site traduit l'écriture seulement. Ah ouais. Moi aussi. Mariah Carey. Guitare, il est à bout à l'onde. Bebop, Baby et We Will. Avec un peu fada, mais c'était We Will et Bebop qui tenait la mesure. Ah non, il y avait aussi Martin. Oh. Bip. C'est où ça? Tour. C'est quoi déjà? Ah, tour. Pourquoi déjà tour? C'est quoi ce chapitre? Partis, là, ils sont à 80 km de Paris. Comme j'ai pas le son. En tout cas, ils étaient pas loin de chez moi et ils ont pas pu rouler à cause de la boue. Alors, pour la petite histoire de Marc. I'm very disappointed. Parce que c'est juste un petit con qui sait jouer, soit, mais c'est un petit con. A Japanese song, Will. Because this stupid guy, we had cooker, kitchen for VIP guest. Il a sauté. So we had food, special food for VIPs, etc. With kitchen, with people helping, and he just fired everyone and say, "I have my kitchen aid," and he just said, "I just keep two people to wash the dish." He did it, and he just leave after the concert. A baker made a big piece with his head and guitar with 42 kilo chocolate. And he even didn't go watch it. He left. Almost straight away. That's why I'm disappointed from Mark Knopfler. He's just a big asshole. Sorry, I said. Avec cette folie de douce, je me fais en Batman concert. Oh yeah, outside. Let's go to the stage. Woo!